franceinter.fr. Bonsoir. C'est une enquête policière que je vais vous raconter aujourd'hui, la malédiction de chaque pana, avec tous les ingrédients d'un bon polar. Lettres anonymes, poison, secrets de famille, un flic bourru mais sympathique, amateur de jolies femmes, le tout pimenté de rites vaudous. Cette histoire va nous entraîner à Lyon dans les années 1930, l'époque où le maire Édouard Herriot, vieux briscard moustachu de la Troisième République, domine la ville avec ses amis radicaux. Mais au numéro 35 de la rue Saint-Jean, on ne parle pas politique, on a bien trop à faire. La rue Saint-Jean, c'est une petite rue qui serpente au pied de la basilique de Fourvière, dans le quartier du Vieux-Lyon. Et le numéro 35, c'est l'entrée arrière du palais de justice de l'époque. Mais ne vous fiez pas à la magnifique porte. Il faut monter tout en haut, dans les combles du palais, pour découvrir le bureau d'Edmond Locard. C'est là qu'en 1910, dans un modeste local envahi de toiles d'araignées, que le célèbre inventeur de la police scientifique avait installé son premier laboratoire, pour très vite révolutionner les méthodes d'investigation des affaires criminelles. Le héros de notre polar ce soir sera l'inspecteur Bastien Mira, personnage de fiction, mais Locard sera là, dans l'ombre. Et il aurait sûrement aimé ça, il adorait les romans policiers. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Gérard Chauvy, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes historien, spécialiste de la période de l'occupation, mais aussi, ce qui nous intéresse davantage ce soir, de l'histoire de la ville de Lyon et de celle de la police scientifique, ce qui, vous l'avez compris, nous intéresse doublement ce soir. Alors vous avez publié il y a 2 ans les archives de la police scientifique française, un livre passionnant, illustré de nombreux documents iconographiques qui nous entraînent dans l'univers méconnu et sombre des enquêtes criminelles de la première moitié du XXe siècle, un livre dont le héros, justement, est Edmond Locard. C'est un personnage que vous aimez beaucoup, Gérard Chauvy, je crois. Oui, c'est un personnage fascinant, non seulement parce qu'il est lyonnais, mais parce qu'il a apporté beaucoup dans le domaine de la police scientifique. C'est aussi un touche-à-tout, qui est un spécialiste de la musique, qui est un numismate, qui donne des conférences, qui est un charmeur à tout point de vue, et qui a accumulé énormément de connaissances en toute matière, et évidemment qui s'est affirmé à partir de 1910 avec son laboratoire de police à Lyon. Qui a commencé tout petit, mais qui a eu des échos énormes, même au niveau international. Oui, parce que c'est lui qui a réussi à imposer d'abord ce qui n'existait pas en France, et peut-être même en Europe, même si les développements sont assez similaires dans d'autres capitales européennes. Ce laboratoire de police où l'on retrouve tout ce qui est nécessaire à la recherche criminelle. Jusqu'à présent, tout était dispersé, mais ce que cherchait Locard, c'est de réunir un labo où l'on puisse étudier sous toute cette forme le crime, pour pouvoir pourchasser donc les criminels, et en mettant à disposition, évidemment, les premières choses, c'est la recherche par les empreintes. C'est là où il s'impose en 1910, en réussissant au cours d'un procès banal, d'ailleurs, à confondre deux pauvres petits cambrioleurs grâce aux empreintes, ce que la justice, jusqu'à présent, se refusait à faire. Et puis, il met en pratique d'autres recherches, notamment donc l'analyse des poussières, la protection des scènes de crime, où il va arriver à un postulat célèbre, c'est la théorie de l'échange en 1920, où il dit, et ça paraît très banal, que tout criminel qui apporte avec lui sur les lieux du crime des traces et il les emporte en même temps. Donc il y a une sorte d'échange et qu'il est impératif de protéger les scènes de crime, ce qui n'était pas toujours le cas au début du XXe siècle. Alors nous parlerons davantage d'Edmond Locard, de ses inventions en deuxième partie d'émission, donc de son laboratoire et surtout de la révolution qu'a représenté son invention de la police scientifique, anthropométrie, cryptographie, dactyloscopie, analyse des poussières, vous l'avez dit, des cheveux, etc. Des inventions sans lesquelles le crime du polar que je vais raconter dans un instant n'aurait pu être élucidé. Alors pouvez-vous d'abord, avant d'écouter la fiction, Gérard Chauvy, en quelques coups de pinceau, nous faire un peu le tableau de la France et de Lyon en 1935, quand l'histoire va commencer justement. Lyon, en 1935, comme dans tout le pays, subit la crise qui s'est déclenchée en 1929. C'est vrai pour le domaine de la soie, qui est quand même, sur le plan économique, extrêmement important à Lyon. L'industrie de la soie, elle est... L'industrie de la soie, oui, qui reste et qui subit évidemment le choc aussi de cette crise qui s'est développée à partir de 1929. Elle est gouvernée par un personnage emblématique et qui le demeure toujours, même s'il s'est un peu effacé dans l'histoire, mais Édouard Herriot, et qui est maire depuis 1905 et donc depuis 30 ans. Il ne sait pas encore qu'il va garder son mandat jusqu'en 1957 à sa mort. Personnage emblématique de la Troisième République, puisqu'il est à la tête du parti radical socialiste. Et donc il incarne un peu cette république qui commence à vaciller, puisqu'on a eu des événements de 1934, donc à Paris essentiellement, mais qui ont connu des répercussions à Lyon, et des divisions politiques avant le Front populaire qui va s'affirmer en 1936. Donc c'est une période politique très agitée. Gérard Chauvy, on va se retrouver dans une trentaine de minutes, le temps d'écouter La malédiction de Chakpana, un texte original écrit par Vincent Hazard, spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. La réalisation est signée Étienne Vallès. Toi qui t'es baigné dans d'innombrables voluptés, avec ta mâchoire orgueilleuse et tes muscles saillants, tu es pareil à un requin repu, satisfait de ton appétit illégitime pour ces cristaux sacrés que tu nous voles. Il te reste encore une voie de salut, un chemin de repentir pour ta conscience. Fais que ton cœur ne reste pas sourd aux injonctions de Chakpana, car il n'a aucune pitié pour ses offenseurs. Dis donc, on ne rigole pas avec Chakpana. Commandant Mirage, j'ai fait appel à vous pour votre expertise africaine, pas pour vos commentaires ironiques. Lyon, printemps 1935. L'atmosphère de la ville est à l'image de la France, endormie, toujours sous le coup de la crise économique débutée en 1929. Les gouvernements successifs semblent impuissants à y remédier et à contrer la montée des scandales et des ligues d'extrême droite qui menacent la Troisième République. La France se replie sur elle-même et sur son empire colonial. C'est dans ce climat que la police lyonnaise est sollicitée pour une affaire de chantage dans une entreprise qui commerce avec le Dahomey, l'ancien nom du Bénin. Excusez-moi, commissaire Pinchet. La lettre mentionne Chakpana, un dieu vaudou. C'est le dieu des maladies. Il est connu pour transmettre la petite vérole. À part ça, c'est assez pompeux pour une lettre de chantage. Vous connaissez François Lécluse ? Ex-tennisman. Il a repris l'entreprise familiale de diamants. Laissez-moi deviner. Lécluse faisait venir ses diamants d'Afrique et maintenant un dieu vaudou lui a refilé la petite vérole. Sauf votre respect, commissaire, c'est une blague, n'est-ce pas ? Après cette lettre, Lécluse est tombé mystérieusement malade. Même s'il ne joue plus au tennis, il reste très connu. Le ministre lui-même s'est ému de son état. Vous n'êtes pas très diplomate, mais vous êtes mon élément le plus perspicace et le seul qui connaisse l'Afrique. Alors je vous confie cette affaire. Vous mettez des moyens à ma disposition ? On peut débloquer un certain nombre de choses. Vous pensez à une enquête en Afrique ? C'est une éventualité. Mais d'abord, j'aimerais faire expertiser la lettre. Et vous avez tout à fait raison. Je me suis dit que l'écriture est celle d'un enfant. C'est sûrement un de ces sauvages qui savent à peine tenir la plume. Ça ressemble plutôt à l'écriture d'un droitier qui a utilisé sa main gauche. Mais ça reste à vérifier. C'est incroyable comme les métropolitains fantasment sur l'Afrique. En 5 ans au Dahomey, je n'ai pas vu la moindre manifestation d'un dieu vaudou. J'ai surtout vu des peuples vivant dans la misère et une terre que l'on pille sous couvert de missions civilisatrices. Au milieu des années 30, l'empire colonial français est à son apogée territorial et démographique, avec plus de 110 millions de personnes sous son administration. Ce qui l'expose d'autant plus aux menaces de subversion intérieure et extérieure. Il est alors essentiel de ficher les indigènes, notamment par leurs empreintes digitales, pour surveiller les agitateurs et préserver le contrôle français. La police coloniale est à la pointe du fichage anthropométrique mis en place par Alphonse Bertillon à la fin du XIXe siècle. C'est donc tout naturellement que Bastien Mira, de retour en métropole, s'intéresse au premier laboratoire de police scientifique au monde, installé à Lyon par Edmond Locard en 1910. Relevé d'empreintes, expertise toxicologique, graphologique, les hommes de Locard ont développé un savoir-faire reconnu dans le monde entier. Mira a déjà fait appel à eux avec succès. Les résultats de l'analyse graphologique tombent et lui donnent raison. La lettre reçue par l'écluse est effectivement maquillée, vraisemblablement écrite de la main gauche par un droitier ou vice-versa. Il va vous recevoir. Veuillez me suivre. Merci. L'écluse habite une grande demeure bourgeoise, en apparence calme. Dans le couloir, des objets traditionnels africains exposés au mur baignent le visiteur dans une atmosphère ésotérique, assez inhabituelle dans cette ville de province. Excusez-moi d'être aussi direct, monsieur... Seke. Monsieur Seke, vous êtes Samba ? Oui. Comment avez-vous deviné ? J'ai remarqué vos cicatrices tribales sur le visage. Vous venez du Nord ? Oui, je viens de Ouangara. Je vois que monsieur connaît le Dahomey. J'étais en poste à Cotonou. La région est un peu le berceau du vaudou. Vous connaissez le dieu Chapana ? Oui. C'est un culte que l'on trouve un peu partout. Mais je suis catholique. Donc, je ne pourrais pas vous en dire davantage. Vous pouvez nous laisser séquer. Bonsoir, commissaire. Commandant. Commandant Mira, enchanté. Enchanté. François Lécluse. Désolé de vous avoir coupé, mais Seke était le boy de mon père quand il travaillait au Dahomey. Il est dans notre famille depuis 40 ans. Il est au-dessus de tout soupçon. Si vous le dites. Je viens vous voir parce que nous allons faire passer un test d'écriture à votre entourage, y compris Seke et vous-même. Vous me soupçonnez ? Mon état n'est pas assez éloquent ? C'est la procédure, monsieur Lécluse. Tout le monde doit s'y plier. Les médecins ont-ils du nouveau ? Ils ne servent à rien. J'ai perdu 20 kilos en 3 mois. Je ne suis pas malade et ils ne trouvent aucune trace de poison. Regardez-moi. J'en suis réduit à quémander votre aide. Je comprends. D'après vous, pourquoi on vous menace ? Je ne sais pas. Nous ne volons pas ces diamants aux Africains, nous les achetons. Ce chantage n'a aucun sens. Mais je me protège. Je ne bois que des bouteilles que je débouche moi-même. Et c'est qu'il goûte tous mes plats sous mes yeux. Je comprends mieux pourquoi il est au-dessus de tout soupçon. Je le paie bien pour ça. Et je préfère lui donner mon argent plutôt qu'au maître chanteur. Ce n'est pas étonnant. 250 000 francs, c'est le prix du pardon du dieu Chakpana. C'est aussi le prix d'un bel appartement à Paris. Chakpana a le sens des affaires. On peut comprendre que l'écluse soit nerveux, surtout que le corbeau est sûrement dans son entourage. 2 jours plus tard, Bastien Mira fait passer le test graphologique à une 20aine de personnes. C'est en effet à quoi se réduit désormais l'entourage de l'écluse. Il vit seul, n'a plus de parents, mis à part sa sœur. Le test se déroule sur 2 heures, pour laisser le temps à la fatigue de faire apparaître des similarités avec la lettre du corbeau. Eh bien, je ne sens plus mes doigts après toute cette gymnastique. Je suis désolé, mais cette épreuve était nécessaire. Si cela peut aider à coincer celui qui fait ça à mon frère... Je l'espère bien, mademoiselle Lécluse. Madame Lécluse, je suis la sœur cadette, mais je ne suis plus une jouvencelle. Madame Virginie, votre taxi vous attend. Merci, Seke. Bien, monsieur Mira, j'ai été ravie de vous rencontrer. Au revoir. Nous allons sûrement nous revoir. Votre manteau, madame. Merci, Seke. À bientôt. Madame, j'aimerais vous voir pour vous poser quelques questions. Appelez-moi Babou. Je suis à votre entière disposition. Je peux passer demain au commissariat, si vous voulez. Ce sera un plaisir de vous revoir. Il va falloir être prudent. Quelle beauté, cette Babou. Tout ce que j'aime chez une femme. Assurance, élégance, sensualité. De quel pays d'Afrique peut-elle venir? Elle m'intrigue. Si une telle femme m'avait abordé en Afrique, pas sûr que je sois rentré en Europe. Je suis une femme indépendante. Je n'ai pas de patron. Je travaille à la commission, je mets en relation des diamantaires français avec les exploitations en Afrique. Vous avez étudié en France ? J'ai beaucoup de chance. Je viens d'une famille bourgeoise africaine. Je suis une évoluée, comme on dit là-bas. Je suis venue à Paris et puis c'est la famille Lécluse qui m'a mis le pied à l'étrier. Je suis très touchée par ce qui arrive à François. Vous n'aviez pas vraiment intérêt à nuire aux Lécluse. Vous travaillez exclusivement avec eux ? Pendant longtemps, oui. Et maintenant ? Après la crise de 1929, l'entreprise a été très touchée. Le père de François ne l'a pas supporté et il est mort un peu après. Quant à moi, j'ai dû trouver d'autres contrats. Vous savez, je crois que si François ne paie pas cette rançon, c'est qu'il ne peut pas la payer de toute façon. Vous lui connaissez des ennemis ? Il n'est pas tendre avec les fournisseurs. Il refuse de payer si la marchandise a le moindre défaut et il inflige des pénalités en cas de retard. Ça a le don d'irriter. Où sont basés vos fournisseurs ? Congo, Côte d'Ivoire et un peu le Dahomey. Certains connaissaient-ils personnellement M. Lécluse ? Je crois que François en a rencontré certains au Dahomey. Il a grandi là-bas et y est retourné pour les affaires. Vous me fournirez la liste de vos contacts là-bas. Entendu. Babou, vous pensez qu'il a été envoûté ? Chakpana est très puissant. Les gens ont peur de prononcer son nom. J'ai vu des parents et des enfants mourir de la petite vérole dans d'atroces souffrances après avoir été envoûtés. Ce ne sont pas des histoires. Ces choses-là, je les ai vues de mes yeux. Monsieur, monsieur, calmez-vous. Tout va bien. Ça va aller. Merci, Seke. Ce n'est rien. C'est juste un cauchemar. L'état de l'écluse devient alarmant, bien qu'il n'ait aucune trace de pustule, qui sont le symptôme principal de la petite vérole. Le mystère s'épaissit encore quand Mira reçoit les résultats de l'expertise graphologique. Aucune des écritures analysées ne correspond à celle de la lettre anonyme. Le commissaire Pinchet perd patience et menace de le renvoyer s'il n'obtient pas de résultats. L'ambiance n'est pas à la fête lorsqu'une jeune femme se présente dans le bureau de Mira. Je suis Jeanne Biou. Je travaille au laboratoire du professeur Locard. C'est moi qui ai fait les expertises graphologiques. Tiens donc. Pourquoi vous venez me voir ? J'ai déjà les résultats, merci. Je voulais vous en parler en personne. Il n'y a pas grand-chose à en dire. On a appris qu'on vous coupait le budget à cause du manque de résultats. Mais on sait aussi que vous allez avoir besoin d'autres analyses. Monsieur Locard me charge de vous dire que le laboratoire est prêt à vous aider quoi qu'il arrive. Il ne court pas après l'argent. Il m'envoie pour faire l'intermédiaire, sans passer par la hiérarchie. Je serais ravie de pouvoir vous aider, même sur mon temps personnel. J'ai toujours rêvé de participer à une enquête. C'est très gentil. Je ne dis pas non. Vous remercierez Monsieur Locard. Je sais que Locard travaille à perte sur certaines affaires. En bon scientifique, il saisit une occasion de combattre l'obscurantisme et une bonne occasion de se faire de la publicité. Ce rentier, à l'esprit bien lyonnais, m'est assez sympathique finalement. Quant à la petite, elle est rafraîchissante. Mais je ne sais pas si je supporterai longtemps son enthousiasme un peu niais. C'est hors de question. Je n'ai pas l'argent, de toute façon. Je ne vous demande pas de payer, mais de faire croire que vous allez payer. On va tendre un piège pour arrêter le maître chanteur au moment où il récupérera l'argent. Comment êtes-vous censé prendre contact avec lui ? Par les petites annonces du Progrès, le journal régional. C'est moderne pour un sorcier vaudou. Au moins, ça confirme qu'il a un complice ici. Le lendemain, l'écluse passe une annonce dans le journal. Quelques jours plus tard, il reçoit une nouvelle lettre avec des instructions pour déposer la rançon. François l'écluse est trop faible pour s'y rendre, un policier le remplace. Le sac est déposé au pied de la cheminée extérieure d'une usine récemment désaffectée, derrière la gare de Perrache. Le quartier est mal éclairé. La végétation a repris ses droits sur le terrain abandonné qui entoure la petite usine. Le commandant Mira et ses hommes trouvent à s'y cacher sans problème. Soudain, une ombre se dessine et se dirige vers le sac. Police, arrêtez-vous! Qui? Monsieur Mira. Seke meurt dans les bras de Mira. Le cauchemar semble être terminé. Mira confie le cadavre au laboratoire pour une autopsie. Nous avons extrait la balle qui a tué Seke. C'est du 9 mm. Vos hommes sont équipés de pistolets Browning de 6.35 ou 7.65. Seke n'a pas été tué par un policier. Il y avait quelqu'un d'autre ce soir-là. Maintenant, j'ai un vrai cadavre sur les bras. Mais c'est pas celui auquel je m'attendais. Pourquoi est-ce qu'on vous appelle commandant? Parce que c'est mon grade. C'est bizarre. Vous êtes militaire? Non, c'est un grade de police. Et inspecteur-chef, si vous voulez. C'est juste en dessous de commissaire. C'est assez rare, mais ça existe. C'est une manière de ne pas vous nommer commissaire? Peut-être, je n'en sais rien. Faut demander au commissaire divisionnaire. Avec vos manières, c'est sûr que vous ne devez pas vous faire que des amis. Ma sœur et moi savions bien que Seke n'était pas coupable. Il nous était totalement dévoué. S'il s'est retrouvé sur place, c'était sûrement sous la menace. Vous possédez des armes, monsieur l'écluse? Oui. Notre père aimait la chasse. Alors il reste quelques armes dans la maison. Vous avez appris à tirer? Nous avons grandi en Côte d'Ivoire et au Dahomey. Le tir fait partie d'une éducation normale pour les colons. Vous avez un revolver 9 mm? Peut-être. Sûrement. Je ne sais pas ce que mon père a gardé. Laissons votre frère se reposer et allons regarder ensemble si vous le voulez bien. C'est la petite Jeanne qui m'a conseillé de vérifier les armes chez les Lécluse. Si le coup a été tiré depuis un de leurs revolvers, elle pourra le déterminer. Je n'habite plus ici depuis des années, mais je sais que mon père gardait ses armes de poing ici. Ne touchez à rien. Je vais manipuler avec mes gants. Quelqu'un d'autre aurait-il pu avoir accès à ses armes? Mon frère saurait mieux vous répondre. Mais j'imagine que Seke, évidemment. Babou. Babou venait régulièrement? Babou et François ont une liaison. Elle connaît la maison. Ils se connaissent depuis combien de temps? Nous avons rencontré Babou quand nous vivions au Dahomey. Comme Seke? Oui. Babou est un peu plus jeune que mon frère. Elle est belle, éduquée. Elle avait tout intérêt à se trouver un blanc. Elle nous a plus ou moins suivis quand nous sommes rentrés en France. Et mon frère s'est occupé de ses papiers. Ils sont toujours amants? Je ne crois pas. François a finalement ouvert les yeux et il a rompu il y a quelques mois. Quelques mois seulement? Oui, c'est pour cela que je vous en parle. Ah, il en manque un là. Regardez, il y a un emplacement vide. C'est pour un revolver. Quelqu'un a dû le subtiliser pendant une visite, ou alors mon père l'avait perdu. Rien ne prouve que ce soit l'arme qui a tué Seke, mais c'est troublant. Ce qui est aussi troublant, c'est que ces armes sont bien entretenues, prêtes à l'emploi. Je quitte les Lécluse ce soir-là avec un sentiment partagé à leur égard, entre le dégoût de ces colons qui s'enrichissent sur le dos des indigènes et le respect pour ceux qui ont appris à se battre envers et contre tous depuis leur plus jeune âge. Mira ne reverra pas François Lécluse vivant. Le lendemain matin, l'ancien sportif est retrouvé mort dans son lit. Le labo a mis ses meilleurs légistes sur le coup. Quant à moi, j'ai peur que mes compétences de graphologue ne vous soient plus très utiles. Merci, Jeanne. Vous avez été parfaite. Vous avez l'air triste. Ma mission était de protéger cet homme et j'ai échoué. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Il me reste quelques pistes à explorer ici, à Lyon. Si j'échoue, on m'enverra au Dahomey rechercher un hypothétique marabout. Pour être honnête, je n'y crois pas du tout. J'ai vu passer des affaires d'envoûtement quand j'étais à Cotonou, et en fait, les marabouts frottaient les victimes pendant leur sommeil avec des morceaux de peau infectés avec la petite vérole. C'était pas joli à voir. Il n'y avait rien de magique. Depuis, le gouvernement colonial a interdit le culte de Chakpana. Non, tout ça, c'est de la fumisterie. On essaye de nous mettre sur une fausse piste. Dans tous les cas, on reste en contact. On reste en contact. Abattu, mis sous pression par le commissaire Pinchet, Bastien Mira convoque Babou. La jeune femme est effondrée. Malgré ses larmes, elle garde sa prestance. Je suis désolée. Je ne sais pas quoi vous dire. Je suppose que vous avez appris pour François et moi. Oui. Je vous présente mes condoléances. Ma chère Babou, il faut quand même que je vous pose quelques questions. Allez-y. Vous étiez amant depuis combien de temps ? Nous n'étions plus officiellement ensemble depuis octobre dernier. Mais notre relation avait démarré il y a plus de 20 ans. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais à peine 15 ans. Je prenais des cours de français avec quelques blancs qui habitaient dans son quartier. Nous nous sommes croisés. Nous nous sommes plus. Ça n'a pas traîné. Il sait ce qu'il veut et moi aussi. Mais même si on a tous les deux un sacré caractère, on se disputait rarement. Et surtout à cause de sa famille. Sa mère est morte de fièvre quand il était au Dahomey. Et son père ne voulait pas que son fils compromette la lignée avec une négresse. Il a tout fait pour nous éloigner. C'est à ce moment-là que François est devenu un grand sportif, plutôt que de reprendre l'entreprise. Comme ça, il s'émancipait, et plus il gagnait de tournois, plus il prenait d'ascendant sur son père grâce à sa notoriété. Du coup, il a réussi à m'imposer comme prestataire, et il a régularisé ma situation en France, sans m'épouser. Pourquoi pas ? L'Écluse est avant tout une marque. Le luxe est un milieu conservateur. Une carrière de tennisman donne une bonne image. Pas un mariage mixte. C'est lui qui vous disait ça ? Oui. Je pense que son père, sur la fin de sa vie, aurait accepté de me voir entrer dans la famille. Finalement, il ne jurait que par l'argent et je lui en rapportais. Je me suis rendu compte que c'est François qui ne voulait plus m'épouser. Alors je l'ai quitté. C'est vous qui l'avez quitté ? Oui. Et il a voulu faire croire le contraire pour ne pas perdre la face. Ça vous donne quand même un mobile pour le meurtre. Où étiez-vous le soir de la remise de la rançon ? J'étais chez moi toute la soirée. Vous pouvez le prouver ? Non. J'étais seule. Mais enfin, pourquoi j'aurais fait ça ? Je l'aimais. Je l'aime toujours. Et tout ce que j'ai, je lui dois. Je la crois sincère. Je ne la placerai pas en garde à vue, du moins pour l'instant, pour ne pas lui infliger une humiliation supplémentaire. Peut-être suis-je trop faible, mais je la ferai suivre au moins. Je ne la laisserai pas me filer entre les doigts. Bon, vous avez du nouveau ? Désolé, commandant, mais c'est encore un peu tôt pour les résultats de l'autopsie. Je peux déjà vous dire qu'il n'y a pas de traces de poison type cyanure ou strychnine. Il n'y a pas de lésion non plus. Par contre, il y a des symptômes bizarres. C'est-à-dire ? Le squelette est décalcifié. Décalcifié ? Oui, comme une ostéoporose très avancée. Les os se désagrègent. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mira reprend les interrogatoires et des pistes apparaissent enfin. Virginie Lécluse n'a pas d'alibi non plus pour le meurtre de Séké. Comme Babou, elle déclare être restée chez elle. Mira se rend à la société Lécluse pour interroger les ouvriers. N'ayant pas de penchant naturel pour le luxe, je ne connais rien aux bijoux. Mais pour briser la glace avec les ouvriers, il faut bien faire mine de s'intéresser à leur travail. Et je dois admettre que les bijoux et les montres Lécluse sont plutôt de bon goût, discrets, luxueux, sans être ostentatoires. Enfin bon, De fil en aiguille, les langues se sont déliées, mais je n'ai pas appris grand-chose. François Lécluse était assez direct, mais pas un mauvais bougre. Son père, par contre, était obsédé par l'argent, et sur la fin de sa vie, il avait la folie des grandeurs. Il lançait beaucoup de nouveaux produits qui souvent n'ont pas marché. Si vous aimez un bijou en particulier, je peux vous faire un prix. C'est gentil, Madame Lécluse. C'est vous qui prenez la direction ? Je ne sais pas encore. Mon frère n'ayant pas d'enfant, j'imagine que je vais hériter de lui. Mais je n'y tiens pas plus que ça. C'est dur, surtout en ce moment. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Vous n'avez personne ? Non. Vous pourrez toujours vendre. Il faudra peut-être attendre un peu que l'entreprise aille mieux. D'ailleurs, j'imagine que vous avez dû licencier ces dernières années. Mon père avait renvoyé quelques personnes en 29. Y a-t-il eu conflit ? Pas que je sache. On sait très bien que ce genre de situation peut engendrer des rancœurs tenaces. Il me faudrait une liste de ces personnes. Je vous fais ça sans faute. Merci. À bientôt. Au revoir. Bonjour, Babou. Combien de temps dois-je encore rester ici ? Je dois partir pour le Congo dès que possible. Je suis désolé, mais je vais devoir encore vous demander quelques jours de patience. Mais dites-moi, vous tombez bien. Le mari de Virginie est mort de quoi ? Je sais qu'il est tombé malade, et puis on ne l'a plus jamais revu. Même moi, je ne sais pas ce qu'il a eu, ni même quand il est mort. C'est devenu un sujet tabou et personne n'en parlait. C'est bizarre. Il faisait quoi dans la vie ? C'est une famille bizarre. Il travaillait ici, c'était un très bon horloger, mais c'était aussi un ouvrier. Non, il n'était pas assez bien pour le père Lécluse. Ils se sont mariés ? Oui. Au moins, lui était blanc. Je ne suis pas jalouse. Philippe, c'est son nom, était un homme sympathique, sans histoire. Il n'était pas très exubérant, mais je suppose qu'ils s'accordaient bien tous les deux. Et ça se passait bien entre lui et son patron ? Ils se sont mariés juste après le krach de 29. Donc le père avait d'autres soucis en tête. Merci, Babou. Ce sera tout. Attendez. Je repense à quelque chose. Je me souviens de la dernière fois que je l'ai vu. Il avait le poignet dans le plâtre. Apparemment, il avait des problèmes avec ses os. Merci, Babou. Ce sont des informations très intéressantes. Il avait des problèmes avec ses os ? C'est une sacrée coïncidence. Il y aurait donc un lien entre la mort du mari de Virginie Lécluse et... Et d'ailleurs, pourquoi on l'appelle Lécluse ? Ça ne doit pas être son vrai nom. C'est ce que je me suis dit. Alors j'ai consulté les registres. Et ? Il s'appelle Letellier. Et il y a un autre problème. Quoi ? Arrêtez de me faire marcher avec votre petit sourire, là. Il n'est pas mort. Je comprends pas. D'après les registres, Philippe Letellier, le mari de Virginie Lécluse, n'est pas mort. Mais alors, s'il est vivant, il est où depuis tout ce temps ? Il n'est peut-être pas vivant non plus. Il n'est juste pas déclaré mort. C'est peut-être délibérément que Virginie Lécluse n'a pas déclaré la mort de son mari. Dans tous les cas, elle cache quelque chose. Vous voyez pourquoi j'ai besoin que vous trouviez ce qui a tué François Lécluse ? Parce que je pense que c'est la même chose qui est en train de tuer Philippe Letellier. C'est la clé de tout. Le commandant Mira se rend à l'atelier et découvre que Virginie Lécluse ne s'est pas présentée au travail. Mira sent qu'il se passe quelque chose et fonce à son domicile, une petite maison sans prétention du quartier Saint-Rambert. Quelqu'un ? Madame Lécluse ? Monsieur Letellier ? Monsieur le commissaire, je cherche le commandant Mira, c'est un urgent. Qui êtes-vous ? Jeanne Billou du labo, on s'est déjà rencontrés. Écoutez, il n'y a pas de temps à perdre, j'ai les résultats pour Lécluse, il a été tué par de la radioactivité. Son cadavre, ses os sont radioactifs. Il faut vite trouver la source, si on ne fait rien, d'autres personnes vont mourir. Où est le commandant Mira ? Il y a quelqu'un ? Mira pénètre dans une chambre aux volets fermés. Malgré la pénombre, il distingue, dos à la fenêtre, un homme assis dans un fauteuil roulant. Enfin, ce qu'il reste d'un homme. Mira s'approche doucement. Vision insoutenable. Le corps décharné, la mâchoire quasiment inexistante, seul le regard exprime encore un peu de vie. Monsieur ? Ça va ? Vous êtes monsieur Le Tellier, n'est-ce pas ? Monsieur, dites quelque chose si vous pouvez. Faites un signe. Il ne peut plus parler. Bonjour, commandant. Je n'ai pas pu aller au travail ce matin. L'état de santé de Philippe s'est beaucoup dégradé ces derniers jours. Qu'est-ce qu'il a ? Il a été empoisonné. Empoisonné par du radium contenu dans de la peinture. Qu'est-il arrivé à sa mâchoire ? Philippe avait pour habitude de sucer le bout de ses pinceaux avec lesquels il appliquait la peinture. De la peinture au radium. Sa mâchoire s'est désintégrée au fil du temps. Je le nourris avec une paille. Mais depuis quelques jours, je n'y arrive même plus. Mon amour, au moins tu auras vu disparaître ceux qui t'ont fait ça avant de partir. C'est vous qui avez tué votre frère ? Je ne voulais pas le tuer au début, mais il m'y a forcé. Et Seke ? Il n'était au courant de rien. Je l'ai envoyé récupérer un sac sans autre explication. Je me doutais que c'était un piège. Je savais que nous n'avions pas l'argent pour payer. Pourquoi tous ces meurtres ? Mon père était un homme ambitieux et sans scrupules. Il a pris des risques en se lançant dans la production de bijoux modernes, différents. Et il a développé des montres dont les aiguilles brillent dans la nuit. Vous connaissez ? À l'époque, on ne connaissait pas vraiment le radium. Et quand Philippe s'est retrouvé à manipuler le produit quotidiennement, il n'avait aucune idée des risques. Sauf que j'ai découvert que mon père avait appris la nocivité du radium avant nous, et il n'a rien dit. Vous imaginez ? Votre propre père laissant mourir votre mari pour ne pas perdre d'argent. On a compris quand Philippe est tombé malade. On est allé le voir, mais il nous a proposé une indemnité ridicule. Il ne s'est même pas excusé. L'état de Philippe s'est dégradé. Sa mâchoire. Et on a su comment ça finirait. François était toujours à l'étranger pour ses tournois. Alors mon père m'a proposé de me léguer la société dans un geste d'apaisement. Quand il est mort, j'ai repris l'affaire. Sauf qu'à la lecture du testament, c'était le nom de François qui était inscrit. Il a fait semblant de ne pas savoir. Il nous avait toujours ignorés de toute façon. Aucun membre de la famille n'était venu voir Philippe pendant toutes ces années. C'était comme s'il était déjà mort. Je ne pouvais pas le supporter. Il fallait qu'il subisse ce qu'ils nous ont fait subir. La douleur. La honte. Vous imaginez ce que c'est ? Rester cloîtré chez soi parce que les enfants hurlent de peur en vous voyant dans la rue ? Madame, je vais vous demander de me suivre. Je ne veux pas être séparée de mon mari. Je vais prendre votre déposition et un médecin sera présent pendant la garde à vue. Et comment elle s'y est prise pour tuer son frère ? François était un ancien sportif professionnel. Il consommait beaucoup de crème antidouleur pour ses muscles. Elle en a échangé une avec du radium dedans. Son frère s'en appliquait tous les jours pour se soulager sans se rendre compte qu'il s'empoisonnait tout seul. Quelle horreur ! J'espère que ça ne vous dégoûte pas du métier. Non, mais je reste graphologue, ça me va comme ça. Oui, d'autant que votre expertise était juste, vu que l'écluse n'a pas été testée. Vous avez un bel avenir devant vous, Jeanne. Sans vous et le labo, on n'aurait rien pu faire. Pour la peine, vous m'invitez à boire un verre ? Excellente idée. Attendez, on va aussi proposer au commissaire divisionnaire. Non, je plaisante. Très amusant. La malédiction de chaque pana de Vincent Hazard avec Bastien Mira, Pierre Osseda, le commissaire Pinchet, Jean-Louis Couloc, Seke, Modeste Nzapasara, François Lécluse, Guillaume Marquet, Virginie Lécluse, France Ducato, Babou Epaille, Sabine Pacora et Jeanne Billou, Aurélie Nusillard. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son et mixage Claude Niort, assistance technique et montage Ariane Herbet, assistant à la réalisation Vivien Demeyer et Cécile Lafont, réalisation Étienne Vallès. Dans quelques minutes, nous reprenons la discussion avec Gérard Chauvy à propos de la police scientifique et d'Edmond Locard. I know that the best thing is you and I. Oh, I know that the best thing is you and I. Oh, this is the beginning of an endless love, and we know it now. We know it now. This is the beginning of a brand new life with an open heart. You took me there with songs and lullabies. Oh, you saved my soul from drowning. Zara, The Moon, dans Autant n'importe l'histoire sur France Inter. L'émission est réalisée par Antoine Dabrowski, assisté de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, à la technique Pierre-Yves de Rollin et à Lyon, Claire Vuillot. Gérard Chauvy, L'enquête de l'inspecteur Bastien Mira, on vient de l'entendre, n'aurait pu aboutir sans l'aide précieuse du laboratoire d'Edmond Locard, représenté dans la fiction par une jeune femme, Jeanne Biou. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de femmes dans le laboratoire d'Edmond Locard. Si, il y en avait. Il y avait notamment une dénommée Maggie Giral, qui dans les années 30 avait intégré le laboratoire. Maggie Giral a été pendant donc ces années 30 une collaboratrice d'Edmond Locard. Il y en a eu une autre qui a joué un autre rôle, c'est Mademoiselle Bichambis. Qui Mademoiselle Bichambis, ça ne s'invente pas. Et oui, oui, mais qui n'était pas du tout savante, c'était une chanteuse de l'opéra et comme je vous l'ai dit... Ah mais il en faut, Oui, oui, oui, mais Locard était très sensible au charme féminin et donc elle est devenue sa secrétaire particulière. Voilà, si vous voulez. Elle avait du charme, elle avait aussi du talent. Voilà, elle l'a secondée très longtemps. Voilà. Alors, Gérard Chauvy, il faut quand même qu'on rappelle un petit peu comment Edmond Locard a commencé. Donc, en 1910, on l'a dit tout à l'heure, il a créé un laboratoire dans les combles du palais de justice de Lyon. Il était un total inconnu à l'époque, il n'avait aucun moyen et puis c'est comme ça que ça a commencé. Quelles sont les principales innovations justement qu'il a apportées à la police ? Alors, il se révèle, j'ai parlé tout à l'heure des empreintes et de la preuve apportée en matière judiciaire, notamment dans les procès, grâce aux empreintes, ce qui n'était pas le cas. Donc, dès 1910, il arrive à imposer donc la preuve par l'empreinte. On a parlé, évidemment, dans ce que l'on vient d'entendre, d'expertise graphologique. Et là, il s'est rendu très célèbre avec une affaire qui s'appelait l'affaire de Tulle en 1922. L'affaire de Tulle, c'est quoi ? C'est une affaire de lettres anonymes qui ravageait la ville de Tulle parce qu'on arrive pas à découvrir qui était le corbeau qui empoisonnait toute la préfecture parce que beaucoup de membres de la préfecture étaient touchés par ces lettres et puis d'autres, y compris le curé du coin qui était accusé de mille et une turpitudes. Bref, ça devenait invivable et on fait appel à Locard. Et il y a quelques suspects et parmi ces suspects, il y a une femme qui s'appelle Angèle Laval. Il lui fait faire une dictée, mais une dictée à rallonge. C'est-à-dire que le meilleur moyen de confondre quelqu'un qui, évidemment, quand il fait des lettres anonymes, déguise son écriture, c'est par épuisement, il finit par retrouver son écriture initiale. Et Angèle Laval finit au bout de plusieurs heures d'écriture, il lui fait refaire les dictées à chaque fois, et il arrive à la confondre ainsi, c'est elle qui, c'est une histoire de mort, elle voulait se venger de quelqu'un qui ne l'avait pas épousée, enfin bref, et du coup elle en voulait à la terre entière, et elle avait essayé de semer un petit peu la zizanie dans toute la ville de Tulle, et c'est à ce moment-là, ça a un retentissement national, on peut prendre les unes du Petit Parisien à l'époque, Locard vient grâce à un procédé nouveau qui s'appelle la graphométrie, qui est un procédé de mesure de l'écriture qui réussit à imposer. Et donc là, sa renommée est confirmée. Donc toutes ces méthodes, Gérard Chauvy, aujourd'hui nous semblent assez évidentes. Elles font partie de nos connaissances, un peu même si on n'est pas dans la police. Enfin, tout le monde sait ça. On a un peu du mal à imaginer comment les policiers pouvaient faire avant justement ces méthodes-là. Comment est-ce qu'ils arrivaient à trouver des preuves ? C'était la preuve un peu par aveu. Vous savez, c'était un petit peu la méthode au temps de Vidocq. On essayait d'obtenir des aveux d'un coupable. Donc, on peut imaginer que d'ailleurs, ça pouvait se faire sous des formes différentes. Donc, on ne cherchait pas vraiment des indices, des preuves matérielles, parce qu'on n'en avait pas les moyens, parce qu'on n'avait pas des gens suffisamment qualifiés ou qui avaient la volonté de le faire. Donc, on essayait de soutirer des aveux par tous les moyens des suspects. Et Locard s'est inspiré des travaux justement de celui qui a été son maître, c'est Alexandre Lacassagne, qui lui était médecin légiste et qui a pu démontrer que cette science de médecine légale pouvait très bien, dans le cadre d'une affaire criminelle, apporter des résultats. J'ai découvert aussi dans votre livre, Gérard Chauvy, que donc Edmond Locard avait été assez marqué par l'affaire Dreyfus. Oui, il a été d'une façon générale marqué par plusieurs grandes affaires qui ont secoué donc l'histoire de France, l'histoire contemporaine. Et en 1937, il reprend le dossier parce qu'il conteste Bertillon. Vous savez que cette affaire repose en partie sur ce fameux bordereau qui a été écrit et dont on a dit qu'il avait été écrit par le capitaine Dreyfus, ce qui avait été l'élément principal de l'accusation. Et Bertillon soutenait Mordicus que ce bordereau avait bien été écrit par Dreyfus. Et quand, des années après, l'affaire était évidemment classée de depuis longtemps, mais il reprend tous les bordereaux et tous les documents autographes de l'époque, et il dit que Bertillon, pour des raisons X et Y, parce qu'on sait que l'affaire Dreyfus a agité donc différents bords politiques et a divisé la France pendant bien longtemps, et il dit que Bertillon s'est trompé, et il reprend les analyses de ce fameux bordereau qu'il attribue à Esterhazy, le fameux officier qui a joué un rôle très trouble dans cette histoire. Et là, il publie même dans sa revue internationale de criminalistique, puisque il a une revue qui se développe dans toute l'Europe, le CAR, l'affaire Dreyfus et l'expertise des documents écrits en 1937. Donc il arrive à donner la preuve scientifique par la graphologie. Que voilà. Dreyfus Mais était innocent. Il en fera d'autres. Il va se consacrer notamment à d'autres affaires historiques, comme l'affaire Louis XVII, avec les prétendants comme Nonndorf, qui sont décédés depuis longtemps, mais c'est l'historien André Castello qui, en 43, demande à Locard de faire expertiser le cadavre de Nonndorf, qui est enterré en Hollande. Nonndorf qui a toujours prétendu être Louis XVII. Et effectivement, arrive le moment où Locard est en mesure, grâce à des éléments qu'il a pu puiser, notamment des cheveux qui sont de l'analyse donc capillaire de descendants de Louis XVI, de confondre Nonndorf. Et il avait raison, parce qu'on sait aujourd'hui, grâce à l'ADN, que Nonndorf n'a jamais été Louis XVII. Gérard Chevy, nous disions tout à l'heure qu'Edmond Locard aimait beaucoup les polars. Je vous propose de l'écouter parler en 1955, interviewé à la radio-télévision française, par qui ? Eh bien, par Léon Zitrone. Il y a un tas de pauvres gens qui écrivent des romans policiers pour gagner leur vie. C'est pas un métier beaucoup plus malhonnête qu'un autre, mais ça implique malheureusement une effroyable ignorance technique. Je crois que pour avoir le droit d'écrire des romans policiers, il faudrait faire un stage pendant quelque temps dans un laboratoire de police. Ça éviterait de voir dans des romans des gens qui déterminent la nature d'un poison en flairant les lèvres de la victime. Il est évident, par exemple, que Sherlock Holmes représente un personnage policier réel et que Conan Doyle est un médecin légiste de valeur, et cela se voit dans chacun de ses ouvrages. Le commissaire Maigret, par exemple. Le commissaire Maigret est le fruit d'une imagination charmante, mais vous remarquerez que à peu près jamais Simenon n'emploie des recherches techniques, des recherches d'indices, car ce qu'ils font, c'est surtout du raisonnement, et du raisonnement très valable. Edmond Locard, donc, parlant en 1955 du polar, des goûts très arrêtés en matière de littérature. Sherlock Holmes, ça va, mais Maigret, il n'a qu'à se rhabiller, hein. Ah oui, Maigret. C'est vrai que dans le Maigret et Simenon, on n'est pas du tout dans la science du crime, enfin très rarement. Alors que Sherlock Holmes, qui séduit très rapidement, ainsi que d'autres auteurs de romans policiers du 19e, qui est très en vogue, Sherlock Holmes, c'est pour ça d'ailleurs que Locard sera surnommé le Sherlock Holmes lyonnais, mais Locard est séduit par ce personnage parce qu'il fait appel à ses ressources, justement, qu'on néglige encore dans la police à la fin du 19e et au début du 20e. Donc les indices qui sont sur les scènes de crime, et il voue une admiration certaine à Sherlock Holmes. Il entretient une correspondance avec le papa de Sherlock Holmes, qui est Conan Doyle. Ça s'est attesté. On ne sait pas si les deux hommes vraiment se sont rencontrés. Locard, qui est aussi un grand bavard, on a entendu sa voix, qui avait beaucoup de charme dans la façon de s'exprimer, a dit, il nous l'a laissé entendre qu'il avait rencontré à Lyon, mais rien ne le prouve. Mais en tout cas, ils ont correspondu, et il a toujours, jusqu'à la mort de Conan Doyle, entretenu cette correspondance et beaucoup d'admiration pour le père de Sherlock Holmes. Et d'ailleurs, le destin a voulu que, vous savez que Conan Doyle fait mourir son héros à un moment donné. Il va le ressusciter devant le tollé général que suscite la disparition du héros. Et bien, 75 ans après la date de la mort donc de Sherlock Holmes dans le roman de Conan Doyle, jour pour jour, un jour de mai 66, eh bien Edmond Locard va décéder, 75 ans, jour pour jour. C'est quand même un signe du destin assez extraordinaire. C'est un signe. Merci beaucoup Gérard Chevy. Je rappelle le titre de votre livre passionnant, Les archives de la police scientifique française aux éditions Hors Collection. Autant n'importe l'histoire est terminée pour aujourd'hui. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr. Vous pourrez aussi écouter des émissions que vous avez peut-être ratées. Par exemple, Au nom du peuple, ou comment sous l'occupation, la résistance communiste éliminait ses opposants, notamment trotskistes, ou encore Le mystère de l'enfant noir de Marie-Thérèse d'Autriche, épouse de Louis XIV, et bien d'autres fictions. Et bien sûr, j'attends vos commentaires sur le site de France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons au XVIIe siècle en Amérique du Sud. L'histoire picaresque et rocambolesque de Catalina de Herrauso, jeune nonne enfuie de son couvent espagnol, partie en Amérique, où travestie en homme, elle va devenir soldat et criminelle. Je recevrai l'historienne Hélène Soumet. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Très bonne soirée à tous.